Ok. Yeah. Hey yo. Y'a plus grand chose qui m'éclate maintenant que le rêve est rare, à part certains refrains qui rappent et quelques éclairs de Steven Gerrard. HLM résident, blé d'art bucolique, rien d'évident. Mon président s'appelle Nicolas Berlusconi. Ça nous méprise, guette la moindre anomalie. Et si les jaloux maigrissent, le rap game devient la Somalie. On veut me stopper dans ma quête. Mon succès est aussi suspect qu'un suicide avec trois balles dans la tête. J'pense aux petits cousses qui n'écoutent que quand les voyous causent. En 2012, le petit pouce sème des cailloux de coke. Y'a même du péché virtuel, ma gueule. Depuis qu'Adam et Ève ont croqué dans la pomme de Apple. Qui veut me tester peut-être rien qu'en essayant. Quand tu m'insultes dans ton rêve, toi-même tu t'excuses en te réveillant. C'est le nouveau Youss, on avait dit pas de gestes. Fais tourner le son en boucle, le bouche à oreille fera le reste. C'est ça même. Qui nous prenait pour des fous alliés. Mais aujourd'hui il nous plébiscite, nous plébiscite. Frère, si tu nous vois franchir un palier, il faut vraiment que tu nous félicites, nous félicites. Et n'oublie pas qu'au fond on est des êtres humains. On ne saura jamais de quoi sera fait demain. Et dire qu'il nous prenait pour des fous alliés. Mais aujourd'hui, quand il ça nous parle de Yebi, mon slogan, il n'y a que Mike et Mike. Je mange les thunes avec SP, car on ne change pas une équipe qui graille. Rends-moi mon bif et qu'il n'en manque pas. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. J'ai fait du rap parce que je connais bien la merde. Et que le temps m'a rappelé que RAP signifie rien à perdre. Et ma riposte les a beaucoup trop heurtés. Je suis tellement hip-hop que mon médecin de femme il s'appelle Dr Dre. Mais certains en yinche ne veulent pas que les jeunes avancent. Maintenant que t'es en yinche, tu dis que le rap c'était mieux avant. Et c'est cette phrase idiote qui va te faire la peau. Même le vinyle est mort quand DJ Premier s'est payé un Serato. C'est comme l'ironie du business shit. Pour narguer la police, préparer ses barrettes dans une cuisine Schmitt. C'est le nouveau Prims, on avait dit pas de gestes. Fais tourner le son, please, le bouche à oreille fera le reste. C'est ça même. Dire qu'il nous prenait pour des fous alliés. Mais aujourd'hui, il nous plébiscite, nous plébiscite. Frère, si tu nous vois franchir un palier, il faut vraiment que tu nous félicites, nous félicites. Et n'oublie pas qu'au fond, on est des êtres humains. On ne saura jamais de quoi sera fait demain. Qu'il nous prenait pour des fous alliés. Mais aujourd'hui, il nous plébiscite. Y'a les gens qui veulent pas que tu changes. Et y'a les gens qui veulent pas que t'évolues, fais le tri. Y'en a qui te complimentent pour que t'en crèves. Et t'as les autres qui t'insultent pour sauver ta vie. Vaut mieux la fermer quand tu fais des yébis. On parle pas pendant qu'on mange, ta maman t'a pas dit. Je ferai pas du rap à vie, faut que je me planque mieux. Repose en paix, colonel Kadhafi. J'ai bâti ma galaxie, les gens trop lucides finissent à l'asile ou salafistes à Karachi. Les petits voient le Peura comme un paradis. Un jour tu prends des royalties, un jour tu vends des royalties. On laisse des traces intemporelles, j'ouvre ma bouche pour les murs. Au moins je suis sûr qu'ils ont des oreilles. Ils nous prenaient pour des fous. Mais 4000 ans plus tard, les pyramides tiennent toujours debout. Qu'il nous prenait pour des fous alliés. Mais aujourd'hui il nous plébiscite, nous plébiscite. Frère, si tu nous vois franchir un palier, il faut vraiment que tu nous félicites, nous félicites. Et n'oublie pas qu'au fond on est des êtres humains. On ne saura jamais de quoi sera fait demain. Et dire qu'il nous prenait pour des fous alliés. Mais aujourd'hui il nous